Chapitre 26e. Un vide dans le clos de Poméranie. Le clos de Poméranie avait à peine recouvré son calme après l'émotion causée par le départ d'Herbert, qui eut à subir un second vide. En effet, 15 jours après, la signora Varsini reçut une lettre au timbre étranger. Ce fait n'avait en lui-même rien d'extraordinaire. La signora recevait souvent des lettres, mais celle-ci la jeta dans une agitation sans pareille. La mettant au fond de sa poche quand elle lui fut remise, elle acheva de donner à Mina sa leçon, puis elle se retira dans sa chambre pour lire tranquillement sa lettre. Elle en sortit un instant après la figure consternée, proférant mille exclamations incompréhensibles. Madame D'Air s'alarma. « Qu'avait donc, mademoiselle ?»« Ah, quelle misère, quelle désolation, quelle triste nouvelle !» La lettre était de sa tante de Paris, qui était mourante, et auprès de laquelle elle devait se rendre sans délai. Si elle ne pouvait pas partir le même jour, il fallait qu'elle prît le premier train du jour suivant. Elle était désolée de quitter madame. Son cœur se briserait en disant adieu à ces jeunes demoiselles, mais la nécessité était là, elle allait faire ses mal, et prier madame de vouloir bien régler ses appointements. Madame D'Air était prise au filet. Elle n'avait pas cru devoir se séparer si tôt de mademoiselle, quoique le séjour de celle-ci fût pour la maison une dépense additionnelle. Mais le point qui l'embarrassait le plus, c'était le paiement des 7 à 800 francs qui étaient dus à l'institutrice. Madame D'Air s'adressa à son mari. « Vous pourriez tout aussi bien me demander la lune, » répondit M. D'Air. « Dites-lui que vous lui enverrez cet argent. » Madame D'Air secoua la tête. « Ce serait parfaitement inutile. Mademoiselle n'était pas femme à partir sans être payée. » Comment M. D'Air s'y prit-il ? À peine peut-être le sut-il lui-même, mais le fait est que le soir même, il apporta la somme demandée. Le lendemain matin, mademoiselle prit solennellement congé. Elle embrassa tout le monde sur les 2 joues, y compris M. D'Air, et promit d'écrire au moins 1 fois par semaine. Une voiture vint la chercher, et George monta sur le siège pour l'escorter jusqu'à la station. Mademoiselle l'invita poliment à entrer dans l'intérieur, mais il avait déjà allumé un cigare et préféra rester où il était. « Dis donc, mademoiselle, lui cria-t-il une fois qu'elle fut installée dans le wagon, si vous rencontrez jamais Herbert, je voudrais bien que vous lui... » Mademoiselle l'interrompit par un élan d'indignation. « Elle, rencontrer Herbert, pourquoi le rencontrera-t-elle ? Monsieur George était fou. Monsieur Herbert n'était pas à Paris. Elle croyait qu'il était en Hollande. « Oui, mais c'est de l'autre côté de la Manche, répliqua George, dont les notions géographiques n'étaient pas très étendues. « Peut-être le verrez-vous, peut-être ne le verrez-vous pas, au reste. Mademoiselle, peu importe. » Mademoiselle lui dit de prendre garde, car George s'était avancé sur la voie et le sifflet de la locomotive se faisait entendre. George se retira et regarda passer le train. Mademoiselle lui fit un signe d'adieu de la portière. Ce fut la dernière fois que Elstonleigh aperçut l'institutrice italienne de Madame Baird, la signora Varsini. Madame D'Air, après son départ, se rappela subitement que mademoiselle lui avait dit qu'elle n'avait pas une seule parente au monde. Quelle était donc cette tante auprès de laquelle elle se rendait? Et Henry Ashley, que devenait-il? Les semaines et les mois se passaient, et Henry sortait de son apathie. William lui avait avoué qu'on soupçonnait qu'il souffrait d'un chagrin de cœur, et que M. Ashley l'avait questionné à ce sujet. « Tu sais, lui dit William, que je n'aurai pas d'autre ressource que de dire ton secret si tu ne te montres pas raisonnable. » Henry s'alarma. Il aurait préféré mourir que de laisser voir ses sentiments intimes à sa famille. Il reprit de mauvaise grâce ses occupations. Un soir, William l'engagea à faire une promenade, s'empara de son bras, et il l'avait entraîné chez Matisse avant que Henry eût pu deviner où il était. Henry s'assit, apathique et indifférent, après avoir répondu par un signe de tête hautain à la respectueuse salutation des ouvriers. « Il faut que je leur donne 10 minutes, puisque je suis ici, lui dit William. « Tu pourras dormir en m'attendant. » Les 10 minutes se changèrent en 20, et l'attention d'Henry s'éveilla si bien qu'il se leva, s'approcha spontanément de la table et commença de lui-même à causer. Quand William fut prêt à partir, lui ne l'était pas, et il dit aux ouvriers qu'il reviendrait les voir. C'était un grand point de gagner. « Il ne faut pas mépriser les petits commencements, » dit l'écriture. La manière humble et modeste dont la réunion de Robert Matisse avait commencé, les vagues idées de William, les doutes de Robert et d'Étienne n'étaient plus rappelés qu'avec un sourire, car leur petite entreprise avait produit de grands résultats à Hanover. Henry y retourna, et voyant que les livres faisaient défaut, il écrivit à Londres le lendemain de sa première visite et en commanda toute une cargaison. M. Ashley était dans l'enchantement. « Crois-tu que ces leçons du soir réussissent, Henry ?» lui demanda-t-il du ton le plus indifférent qu'il sut prendre. « Certainement que cela réussira, » répondit Henry. William, avec ses beaux discours, a su se gagner ses hommes. « Je ne crois pas qu'il y ait un second William Halliburton au monde, » ajouta-t-il avec enthousiasme. Se figurer qu'il consacre son temps à une pareille chose sans en retirer aucun profit. Cela portera ses fruits certainement. Je ne suis pas prophète, mais je prévois que la réforme commencée par William sera plus étendue que ce que nous en voyons maintenant. La chose la plus importante durant ces soirées était de tenir en éveil l'intérêt des ouvriers, de les entretenir, non de questions abstraites, mais de ce qui intéresse la vie quotidienne. Il y a, nous le savons, deux manières de faire toutes choses, et les pauvres ouvriers suivaient la plus mauvaise par pure ignorance. Hanefer ne connaissait pas les lois les plus élémentaires de la ventilation des appartements, de l'hygiène, de la propreté, etc., etc. Lorsqu'un ouvrier tombait malade, il se négligeait, ou bien il allait chez le médecin et se mettait en frais. Quelques légères connaissances des maux et des antidotes ordinaires auraient suffi pour prévenir une maladie. Quand un enfant avait la rougeole, les parents le laissaient s'amuser en plein air dans le ruisseau comme d'habitude. Les plus prudents l'enfermaient dans une chambre chaude, y faisaient un feu à rôtir un mouton et empruntaient toutes les couvertures du voisinage pour les entasser sur le corps du petit patient. Avec cette manière de procéder, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'on vit chacun des temps de petits cercueils sortir de Hanefer. Toutes ces choses étaient passées en revue chez Matisse, commentées, discutées, des idées d'amélioration proposées. Les ouvriers étaient enchantés de ces simples notions qui concernaient leur bien-être matériel, leur famille et leur maison. William leur demandait un soir, d'un ton moitié sérieux, moitié plaisant, quel plaisir et quel bien ils éprouvaient à passer leur dimanche à boire, à jurer, à se quereller, quand il s'arrêta subitement. Debout sur le seuil était Thomas Ashley, qui écoutait tranquillement. Les ouvriers suivirent le regard de William et se levèrent respectueusement en apercevant le patron. M. Ashley s'avança et fit signe à William de continuer. Mais l'éloquence de William s'était évanouie. Il demeura rouge, interdit, timide comme un enfant en présence du maître qu'il aimait et respectait si profondément. « Savez-vous, dit alors M. Ashley, en s'adressant aux ouvriers, que j'éprouve plus de plaisir à vous voir réunis ici que si j'apprenais que vous avez fait fortune. » Ils sourirent et secouèrent la tête. « D'ailleurs, qu'importe, reprit M. Ashley. La fortune n'est pas le plus grand bonheur de la vie. » Il resta un moment à causer avec eux, leur donna de vifs encouragements et se retira en leur souhaitant bonne chance. William partit avec lui et comme ils traversaient Hanefer, les femmes coururent sur le seuil de leur porte les regarder passer. M. Ashley, qui commençait à se voûter légèrement, s'appuyait sur le bras de William. Mais sa figure était toujours douce et bienveillante et malgré ses cheveux blancs, son expression ne portait aucune trace de vieillesse. William, avec son air noble et distingué, son large front intelligent, ses yeux gris au regard sincère, le sourire sur les lèvres, écoutait M. Ashley lui témoigner sa satisfaction. « Combien de temps comptez-vous ainsi leur sacrifier vos soirées ?»« Ce n'est pas un sacrifice, monsieur. Je suis enchanté de pouvoir faire ce que je fais, et je regarde cet emploi de mes soirées comme le meilleur que je puisse trouver. Je compte enrôler Henry dans ma cause. » »« Vous serez bien habile si vous y arrivez. » répondit M. Ashley. « Je donnerai la moitié de ce que je possède, » ajouta-t-il brusquement, pour voir ce garçon prendre intérêt à quelque chose. « Cela viendra, monsieur. Un de ces jours, je le surprendrai lisant quelques comédies aux ouvriers. Quelque chose qui le fasse rire lui-même, ce sera un commencement. Il est beaucoup mieux. Son apathie se dissipe. Oui, il est presque guéri. Quelle était donc la cause de son mal, William ? » William ne s'attendait pas à cette question. M. Ashley la répéta. « C'est son secret et non le mien, monsieur. »« Vous devez me le confier, William, » dit M. Ashley avec fermeté. « Vous me connaissez. Si je vous promets que ni ce fait ni votre aveu ne seront jamais découverts à âme qui vive, vous savez que vous pouvez compter sur moi. » Il s'arrêta. William ne parlait pas. Il débattait intérieurement de ce qu'il devait faire ou ne pas faire. « William, c'est un soulagement que vous me devez. Depuis que je sais qu'il y a un secret là-dessous, je ne pourrais vous dire toutes les folles idées qui m'ont traversé l'esprit. À la vue de la prostration excessive qui a accablé mon fils, on aurait pu le croire coupable d'un crime, d'un meurtre. Vous devez me soulager, William. La vérité, quelle qu'elle soit, le fera. Cela n'amènera aucun changement dans les relations, au contraire. Ce ne sera qu'un lien de plus entre moi et vous. Vous êtes presque mon fils. » Le devoir de William se dressait devant lui clair et distinct, mais ce fut à voix basse qu'il répondit. « Il aimait Annaline. » M. Ashley ne fit aucun commentaire. William continua. Si cette malheureuse affaire n'avait pas eu lieu, l'intention de Henry était, moyennant votre consentement, de la prendre pour femme. Il passait ses jours à inventer un moyen d'obtenir ce consentement. « Et maintenant ?» demanda brusquement M. Ashley. « Maintenant, la chose est finie. Le bon sang de Henry est venu à son aide. Peut-être aussi son orgueil, le respect de soi. Quelle qu'innocente qu'ait pu être Anna, il y a autour de son nom un certain reflet qui a prouvé à Henry que ses visions ne devaient jamais se réaliser. C'était là son secret, monsieur, et j'ai craint un moment que le chagrin ne l'emmena, mais il reprend le dessus. » M. Ashley poussa un profond soupir. « William, je vous remercie. Vous m'avez enlevé un véritable cauchemar. Et vous pouvez, si vous le voulez, oublier que vous m'avez accordé votre confiance. Je n'en abuserai jamais. Que comptez-vous faire pour le local de ces ouvriers ? » ajouta-t-il sur un ton différent. « Pour quel local, monsieur ? Pour vous protéger de chez Matisse. Il me semble être bien à l'étroit. C'est vrai. De plus, chaque jour, de nouveaux ouvriers demandent à se joindre à eux, et la place nous manque. Je ne comprends même pas comment vous avez réussi à en avoir autant et à les garder. Le grand secret, je crois, c'est l'intérêt qu'ils portent à ces réunions. La plupart d'entre eux ne retourneraient pas au cabaret pour tout l'or du monde. Et où les logerez-vous ? Vous m'en demandez plus que je n'en sais, monsieur. Il faudra pourtant que je m'en occupe. Henry m'a dit que vous étiez assez ambitieux pour aspirer à louer cet ancien bâtiment des Mormons. J'étais assez absurde pour cela, fit William en riant. Comme je voyais que c'était un bâtiment inoccupé, j'en ai offert un loyer très minime, il est vrai. Mais le propriétaire aurait déjà dû se féliciter de ce que notre feu en aurait chassé l'humidité. Que vous a-t-il répondu ? Il m'en a demandé 700 francs. C'est plus que nous ne pouvons donner. Et qui devait fournir l'argent ? Vous ou les ouvriers ? William hésita, mais il ne vit aucun moyen de sortir de cet embarras. Eh bien, monsieur, c'eût été bien dommage que les choses s'arrêtassent en si beau chemin, par suite du manque de place. Je le crois aussi. Vous pouvez le louer demain et y transporter vos tables, vos bancs et vos chaises dès que vous le voudrez. Je me charge du loyer. » Ces paroles prirent William par surprise. « Oh, monsieur, vous voulez bien faire cela ?»« Faire cela, William. C'est peu de choses comparé à ce que vous faites. Dans quelques années, William, votre nom sera grand à Helstonleigh. » William accompagna M. Ashley jusque chez lui, puis retourna chez sa mère. Il la trouva dans les larmes. Jane venait de recevoir la nouvelle de la mort de son frère Robert. « Moi qui avais l'espoir de voir revenir Robert, » disait Jane en soupirant. « Et maintenant, le voilà mort. Était-il marié ?» demanda William. « Non, je crois même qu'il avait bien de la peine à se tirer d'affaire. » Gare rentra bruyamment et les interrompit. La mort d'un oncle qu'il n'avait jamais vu et qui avait vécu à des milliers de lieues loin de lui ne lui paraissait nécessiter aucune expression de chagrin. Gare était tout joyeux. Gare allait à Cambridge, non point riche et fêté, mais comme un humble servant. Ne voyant pas clairement le chemin qu'il devait suivre, il avait eu assez de sagesse pour aller chercher conseil auprès du directeur du collège. Il lui avait dit qu'il voulait aller à l'université et avait demandé à M. Morton s'il lui serait possible de trouver quelque poste pour utiliser ses vacances. « Une école où je donnerais des leçons ou quelques familles qui me prendraient comme répétiteur. Ce serait autant de frais de moins pour ma mère si je gagnais seulement ma nourriture, » acheva Gare avec cette candeur particulière à toute sa famille. « Avez-vous oublié que vous devriez travailler vous-même pendant les vacances presque autant que pendant les mois d'études ?» demanda M. Morton. « Oh non, non, monsieur, je ne l'ai pas oublié, mais mon ouvrage n'en souffrira pas. » M. Morton regarda la figure de jeune homme rayonnant d'espoir et de gaieté. Si M. Morton avait un faible, c'était bien pour les deux Halliburton. « Je verrai Gare, » dit-il, « mais vous êtes trop jeune pour faire répéter les étudiants, et je ne crois pas qu'aucune école veuille vous prendre, par suite de vos absences forcées. Si rien de meilleur ne se présente, vous pourrez revenir ici pendant les vacances et m'aider. Je ne vous donnerai que les repas que vous prendrez avec mes pensionnaires et vous coucherez chez vous. Je crois même que ce sera le meilleur arrangement, car vous auriez ainsi amplement du temps pour vos propres études. » Gare exprima sa reconnaissance. « Je suis bien aise de pouvoir vous encourager, Gare, » acheva M. Morton. « Quand je vois des jeunes gens de courage et d'énergie, j'aime à leur témoigner la confiance qu'ils méritent. Si vous et vos frères continuent ainsi, vous serez dans quelques années des exemples frappants de ce que peuvent l'activité et la persévérance. Un cigare était tout joyeux, et ne jugea nullement nécessaire de se désoler de la perte d'un monsieur qui était mort dans les bois du Canada, quoiqu'il fût son oncle, le frère de sa mère.